Et si la méthode scientifique, celle-là même qui donne son nom à cette émission, était une forme d'illusion, ou en tout cas un paradigme autoritaire qu'il faudrait impérativement critiquer? Et si au fil du temps, les sciences s'étaient peu à peu définies de façon guerrière et donc antidémocratique? Si le progrès scientifique, loin d'être accessible à toutes et tous, et pour toutes et tous, c'était en fait un affrontement constant du nouveau contre l'ancien, de la parole qui fait autorité contre toutes les autres qui sont discréditées? Ces questions traversent depuis toujours la pensée de la philosophe Isabelle Stengers, qui les réunit dans un ouvrage somme, Cosmopolitique. Isabelle Stengers est notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Isabelle Stengers. Bonjour. Ravi de vous accueillir à ce micro. Vous êtes professeur émérite de philosophie des sciences à l'Université libre de Bruxelles. Vous publiez donc cet ouvrage assez costaud et assez imposant, Cosmopolitique. C'est aux éditions de La Découverte dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Il s'agit de l'assemblage de 7 essais que vous avez commencé à publier au milieu des années 90. Nous allons y revenir dans quelques instants puisqu'on commence comme chaque jour par le tour de l'actualité scientifique du jour avec Antoine Beauchamp et le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal, Antoine, avec une étude parue dans le Journal of Clinical Investigation, étude qui décrypte les effets moléculaires de la caféine. Oui, on connaît déjà bien les effets sur la vigilance et l'attention de la caféine, substance psychoactive la plus consommée au monde. On connaît moins, en revanche, les effets moléculaires de cette caféine. Des chercheurs de l'Université de Lille et de l'Université de Strasbourg ont cherché à comprendre ces mécanismes en étudiant des souris auxquelles ils ont administré par voie orale des doses de café modérées. Leurs analyses mettent en évidence à la fois les effets métaboliques et génomiques de la caféine, notamment dans la région de l'hippocampe, une région cérébrale clé pour tout ce qui a trait à la mémoire. David Bloom est directeur de recherche INSERM au sein du centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition. Il est l'un des auteurs de cette étude. On a réalisé donc un protocole expérimental extrêmement simple qui a consisté à donner, chez des souris tout à fait normales, de la caféine par voie orale, à une concentration qui correspond à environ 3 tasses de café par jour, donc une consommation modérée. L'idée, c'était d'explorer par des études sans hypothèse a priori, donc des études épigénomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques, ce que pouvait faire cette consommation chronique habituelle de caféine chez la souris sur l'hippocampe, qui est une structure extrêmement importante pour le développement des fonctions de mémoire et qui est particulièrement altérée dans la maladie d'Alzheimer. Alors nos résultats montrent en fait que la caféine, de manière surprenante, chez les animaux qui sont à l'état de repos, exerce un double effet. Un effet plutôt dans les neurones, qui est un effet d'activation neuronale qu'on peut observer notamment sur le plan génomique. Et puis en parallèle, un effet qui serait plutôt non neuronal, qui consisterait à l'état de repos à diminuer un certain nombre de voies métaboliques. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque les animaux ont été mis dans une situation d'apprentissage d'une tâche génétique, eh bien, dans cette situation-là, on a vu que, en fait, dans les neurones, on a plutôt une suraugmentation de ces voies d'activation neuronale, et puis, dans les cellules non neuronales, on aurait une augmentation des voies métaboliques. Les perspectives sont multiples. Sur le plan fondamental, on aimerait bien comprendre un tout petit peu plus ce qui se place sur le plan moléculaire dans les cellules non neuronales. On aimerait savoir aussi si ces effets de la caféine sont sous-tendus par la fixation de cette caféine sur ces récepteurs connus dans le cerveau. Et puis, ce qu'on aimerait aussi pouvoir montrer, c'est que la caféine, effectivement, est capable d'améliorer les fonctions cognitives chez l'homme au travers d'essais plus interventionnels. Et dans ce sens, nous avons actuellement un essai clinique de phase 3 qui teste un peu cette hypothèse chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer modérée ou débutante et dans lesquels on espère observer un effet d'amélioration des performances cognitives chez ces patients qui serait dû justement à la mobilisation de ces réseaux génomiques qui serait favorisé par la présence de caféine. Voilà, et si vous voulez retrouver l'intégralité de l'étude sur la caféine dont vous venez d'entendre le reportage du jour, eh bien vous pouvez retrouver tout ça sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Agence européenne des produits chimiques a estimé en début de semaine que le glyphosate n'était pas dangereux pour la santé. Oui, selon ce nouvel avis qui confirme celui de 2017, le glyphosate, l'un des herbicides les plus utilisés au monde, n'est ni cancérogène, ni mutagène, ni toxique pour la reproduction. La bataille du glyphosate continue donc. On rappelle qu'en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS avait classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l'homme et qu'en juin 2021, une étude remarquée de l'INSERM posait la présomption moyenne d'un lien entre glyphosate et des cancers du système immunitaire. Des chercheurs ont conçu un médicament contre le cancer qui avance masqué. Oui, on sait que les traitements contre les cancers sont souvent très agressifs pour l'ensemble de l'organisme. Pour pallier cela, des chercheurs de l'Université de Chicago ont repris des travaux conduits sur une cytokine, une protéine qui module la réaction du système immunitaire face à une menace. Mais il y a un problème. Cette cytokine, baptisée interleukine 12, cause de graves effets secondaires. Et ces chercheurs ont trouvé une astuce. En mettant un capuchon sur l'interleukine 12 et en le retirant seulement lorsqu'il entre en contact avec l'enzyme à proximité des tumeurs, l'interleukine 12 est réactivée et incite les cellules T tueuses à attaquer la tumeur. Une nouvelle piste s'ouvre donc pour lutter contre les tumeurs cancéreuses sans endommager les organes sains. Prochaine étape, valider ces essais chez l'humain. Et enfin, la plus grande plante du monde a été découverte en Australie. Il s'agit d'une herbe marine de la famille des Posidonies qui se reproduit de manière clonale. Elle s'étend sur environ 200 km et est âgée d'environ 4500 ans. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs australiens ont séquencé plusieurs échantillons de cette plante sur 10 sites différents et ont constaté que 9 d'entre eux étaient constitués d'une herbe génétiquement identique. Le précédent record de plus grande plante du monde était également détenu par une Posidonie en Méditerranée. Elle s'étendait sur 15 km. Merci beaucoup Antoine et à demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la SF. Nous sommes donc en compagnie tout au long de cette heure de la philosophe des sciences Isabelle Stengers qui publie Cosmopolitique, des réflexions sur la façon de comprendre et sur la rupture qu'il peut y avoir d'ailleurs entre la façon de faire de la science aujourd'hui, les scientifiques d'une part et les citoyennes et les citoyens de l'autre. Isabelle Stengers, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel regard, quelle oreille portez-vous par exemple à ce type d'actualité scientifique, ou en tout cas à cette ambition ou cette intention qui est la nôtre comme d'autres médias de vulgarisation, de continuer malgré tout à transmettre de la science telle qu'elle se fait et telle qu'elle est publiée? Mais je dirais que mon problème, l'un des problèmes de Cosmopolitique, n'était pas encore à l'époque vraiment le rôle des citoyens en tant que tel. Je m'y suis beaucoup intéressée à partir de ce que j'appelle l'affaire des OGM. Où là, vraiment, on a vu la force que pouvaient avoir des mouvements de protestation qui ont fait bafouiller les experts et qui ont découvert, au sens où c'était pas un secret, mais c'était négligé, les zones d'ignorance de ces experts qui sortaient des laboratoires par rapport à ce qu'est un OGM agricole, c'est-à-dire semé sur des millions d'hectares et pendant des temps longs. Donc, on se rendait compte que ce dont il parlait, c'était l'OGM de laboratoire, et que, mais qu'il plaidait pour un OGM qu'il connaissait pas. Et que d'autres pouvaient connaître mieux, mais n'étaient pas regardés comme des scientifiques durs, parce que justement, ceux qui s'occupent de millions d'hectares et de temps longs, n'ont pas la capacité de mettre en œuvre l'exigence de preuve qu'on demande, par exemple. Donc, ok. Et par rapport au... Donc, je plaidais à cette époque-là plutôt pour une culture de la science et justement qui défasse ce mot « la science ». Une culture des manières de faire science. Et j'y reviendrai, des obligations qui font que les scientifiques sont mis à l'aventure par ce à quoi ils tentent d'avoir affaire. Et c'est la possibilité d'apprécier cette aventure et ces hésitations, ces doutes et ces limites qui ne sont pas des limites extérieures, mais des limites, je dirais, si je m'intéresse à ça, je ne peux pas m'occuper de ça parce que ça ne répond pas à ce que je demande. Eh bien, par exemple, si je m'intéresse aux OGM de laboratoire, je ne peux pas répondre à des questions qui regardent les OGM des champs, ou alors très partiellement, et de manière tout à fait... Donc, mais une culture scientifique permet, si les scientifiques savent se présenter avec ce qui les oblige, ce qui les met à l'aventure, permet de faire de cette aventure une science qui n'a plus autorité, mais qui intéresse, et qui intéresse de la bonne manière, c'est-à-dire d'une manière corrélative à ce qui intéresse les scientifiques. Et je dirais, dans les petites nouvelles que vous avez données, eh ben, je suis un peu désolée qu'on dise « un tel est d'accord, n'est pas d'accord avec les effets du glyphosate, etc. » sans creuser d'où vient ce désaccord, sans participer à la culture de cette... de ce conflit. Bien sûr. Alors ensuite, évidemment, là, il s'agit de tenir au courant des informations récentes. Ça fait l'objet d'émissions que nous consacrons d'heures entières où on ouvre évidemment la discussion. Là, c'est de l'information plus rapide. Mais c'est intéressant, cette question du glyphosate. Ce vers quoi je voulais vous amener, Isabelle Stengers, puisque je vais le dire de manière très grossière et je vais vous laisser rectifier la façon dont je le formule. Mais l'un des paradigmes principaux, le fil rouge de votre conception que vous travaillez au fil des années du rapport entre la science et la façon de percevoir et de comprendre la science, c'est l'idée de dire que la science, et principalement la physique, est devenue finalement déterministe et un peu autoritaire, qu'il y a une forme de guerre des sciences et du savoir qui est imposée d'une manière verticale. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, qu'il s'agisse de la physique théorique mais de d'autres secteurs de la science, que cette science devient de plus en plus technique, de plus en plus précise, de plus en plus pointue, donc de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre, à expliquer, à intégrer à son corpus de connaissances. Est-ce que vous pensez qu'on va effectivement dans le sens finalement que la construction et la précision, la technicité des sciences va dans le sens finalement de cette idée que vous aviez formulée dès la fin des années 70? Mais disons que le pari d'un cosmopolitique, c'est pas un pari grand public, hein, mais c'est un pari de culture scientifique. C'est que la question de la technicité, elle a deux types de, comment dirais-je, deux types de niveaux dont j'ai fait l'expérience d'ailleurs quand j'ai été travailler chez Prigogine. Hein, dont on va parler dans un instant. Oui, il y a Prigogine, prix Nobel de chimie, oui, pardon. De chimie, mais à l'époque où il luttait pour faire reconnaître le caractère intrinsèque de la flèche du temps contre l'avis unanime, non pas des physiciens, mais des physiciens fondamentaux, comme on dirait, ceux qui ont le haut du pavé au niveau, quand on parle de la réalité scientifique. Eh bien, j'ai fait le pari que sur des problèmes comme la mécanique quantique, qui sont pas simples, etc., on pouvait s'adresser à quelque chose qui n'est pas le niveau technique qui met le scientifique directement au travail, mais au niveau de ce que cherchent ces techniques, ce qu'elle met en valeur, ce qu'elle fait importer, de telle sorte qu'on ait un accès tout de même qui ne soit pas de vulgarisation, mais de compréhension des problèmes que se posent les scientifiques. Et ça, je crois que c'est ça qui manque, c'est de comprendre les passions des scientifiques, ce qui les fait hésiter, et le drame quand une science cesse d'hésiter. Mais c'est passionnant parce que c'est passionnant finalement, c'est intéressant d'utiliser ce terme-là, parce que c'est précisément l'inverse des passions que l'on attend des scientifiques. On attend d'eux qu'ils nous délivrent une réalité. D'ailleurs, il y a un incompris ou un impensé assez global qui est celui de dire que la science est là pour décrire le vrai, pour définir ce qui est vrai. Or, le vrai est quelque chose qui s'abstrait totalement des passions et qui devrait au contraire être absolument objectivé et du coup à l'inverse finalement de toute forme de subjectivité passionnelle. Ben oui, ça c'est un peu la carte de visite de ce que j'appelle la science et qui semble prétendre unifier tout ce qui est digne du titre de science, depuis la physique jusqu'à l'anthropologie. Tout ça des passionnés et tout ça appliquant la même méthode scientifique. Donc, avec ça, on peut pas intéresser le public, on peut juste l'édifier. C'est-à-dire lui dire, vous comprenez rien, c'est normal, vous êtes ni neutre, ni objectif, ni rationnel. Donc, c'est une manière de tuer la possibilité de culture scientifique pour en faire une espèce de, oui, on a pu dire de religion, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit respecter, ou alors on se montre irrationnel. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui crée un désert, qui fait que les sciences fonctionnent dans un milieu désertifié, où ils n'ont comme interlocuteur que ceux qui s'intéressent aux sous-produits, l'industrie et l'État. Et l'État s'intéresse aussi, surtout quand ça montre que combien les gens sont bêtes et combien ils peuvent être influencés, etc. Enfin, l'ordre public s'intéresse beaucoup à ce genre de méthode. Et donc, pour moi, il ne s'est jamais s'agit de critiquer les sciences quand elles sont vivantes. C'est-à-dire quand elles répondent à la question de à quoi nous oblige le fait d'adresser de bonnes questions à ce à quoi nous avons affaire. Mais à ce moment-là, c'est la pluralité profonde des sciences qui explose. On n'adresse pas les mêmes questions à un OGM de laboratoire ou végétal, et surtout d'agriculture intensive, et à un rat ou un humain. Les questions qu'on s'adresse, ben, je suis désolée pour le café, c'est très bien, mais c'est pas bouleversant. Moi, je bois du café et je sais que je fonctionne mieux grâce à du café. Les rats aussi, tant mieux. Mais je dirais que c'est ok, on va prouver ce que tout le monde sait parfois. C'est. Souvent, dans la neurophysiologie, on tend à prouver ce que tout le monde sait. Mais c'est prouvé. Maintenant, c'est scientifique. Je suis pas tout à fait intéressée à ce genre de truc. Je préfère quand les sciences invente, crée des manières de s'intéresser qui viennent s'ajouter aux autres et qui n'ont pas besoin de disqualifier les autres. J'ai pas besoin qu'on disqualifie mon rapport au café grâce aux études génomiques ou autres. Non. Par contre, quand on vient ajouter une question auquel je ne m'attendais pas, elle n'a pas besoin de disqualifier. Et pour moi, une science vivante n'a pas besoin de disqualifier la non-science. Elle peut la compliquer, mais elle n'a pas à la disqualifier. Un des exemples idiots, mais c'est ok, la Terre tourne autour du Soleil, c'est bouleversant. Quand on s'intéresse à ça, c'est-à-dire quand on est théologien ou astronome, ça a fait scandale pour les astronomes et les théologiens. Mais pas pour les paysans. Pas pour tous ceux qui dépendent du soleil vitalement pour leurs pratiques. Les pratiques paysannes ne sont pas bouleversées par cette grande nouvelle. Et on n'a pas besoin de dire qu'ils sont ignorants. On continue cette discussion passionnante avec Isabelle Stengers et on va parler bien de votre parcours, de la façon dont vous avez justement élaboré cette pensée, dont vous avez réuni ces 7 essais que vous réunissez en un seul ouvrage aujourd'hui qui ressortent dans cette édition cosmopolitique dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc avec Isabelle Stengers de science au pluriel, de sa conception des sciences et de la façon dont aujourd'hui, bien peut-être que la science s'est égarée et est devenue autre chose, et avec un autre propos et un autre rapport au monde et aux citoyennes et aux citoyens. Vous développez, on va en reparler, Isabelle Stengers, cette notion de guerre des sciences. Vous la développez depuis votre tout premier ouvrage coécrit avec le prix Nobel de chimie, on en parlait tout à l'heure, il y a Prigogine, avec qui vous avez longtemps collaboré. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes dans les après-midi de France Culture en janvier 1978. En ce qui concerne, disons, les grands problèmes, donc pas seulement les questions de technique, mais les grands problèmes, là j'ai toujours pensé qu'il y avait un fossé qui s'était créé par le fait que la physique classique avait une ambition que j'aime bien appeler une ambition platonicienne, n'est-ce pas ? Qu'elle insistait davantage sur l'être que sur le devenir. Et ça se voit dans le formalisme de la physique classique, qui est repris d'ailleurs par la relativité ou la mécanique quantique. Tandis que, en somme, le problème de l'homme, le problème de l'histoire, le problème des sciences humaines est avant tout, je crois, le problème problème du devenir. Et cela explique un certain fossé qui s'est créé au 19e siècle entre ces deux formes de culture. Je crois que ce fossé, personnellement, je crois que ce fossé est temporaire et provient de ce qu'au fond, la science a dû d'abord s'affirmer dans des domaines très simples ou en somme sur des objets très simples sur lesquels le temps ne mord pas. Mais je crois qu'on peut donc dépasser, dans une certaine mesure, cette dichotomie. D'ailleurs, c'est en somme, au fond, de nouveau avec le recul des années, la direction dans laquelle je me suis un peu engagé sans le savoir. Ayant donc une formation avant tout littéraire et historique, j'ai au fond été surpris de voir le peu de place que le temps, le devenir, tenait dans les sciences théoriques. Voilà, Ilia Prigogine en janvier 1978, prix Nobel de chimie. En 1977, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 1971. Un commentaire libre à ce que vous venez entendre et à la voix d'Ilia Prigogine. Ben, ça me touche évidemment. Et Prigogine m'a vraiment... Quand je suis allée, je l'avais eu comme prof de chimie, puisque j'ai commencé chimie. Comme prof de chimie théorique, hein, chimie physique théorique. Quand je me suis tournée vers la philosophie, pas tellement parce que les sciences ignorent le temps, mais parce que je n'aimais pas la discipline. On ne pouvait pas poser de questions qui ne soient pas de celles qui font avancer sa discipline. Et comme j'étais intéressée par d'autres questions, je me suis dit, je suis perdue pour la science, autant aller en philosophie alors, puisque là, apparemment, on peut poser ses propres questions. Mais je m'intéressais aux sciences. Toujours. Et je me suis tournée vers lui et je suis devenue, au fond, chercheuse. J'ai fait un terrain, comme diraient maintenant les anthropologues, mais je ne savais pas que c'était un terrain qui a abouti à coécrire avec lui la Nouvelle Alliance. Mais ce qui m'a impressionnée, c'était justement que, à cette époque-là, bon, ce pourquoi il avait eu son prix Nobel, c'était une affaire réglée qui était aux mains de ses collaborateurs. Son grand œuvre, c'était démontrer, comme il le dit, que la flèche du temps, c'est-à-dire la différence entre le passé et le futur du point de vue du présent, n'est qu'un produit de nos approximations. Lui, il voulait démontrer contre cela, qui est la doxa usuelle des scientifiques maintenant, et dominante, que la flèche du temps était intrinsèque pour les systèmes dès qu'ils n'ont pas la simplicité merveilleuse qui permet de donner, on pourrait dire, l'égalité de la cause et de l'effet, qui est une manière de dire que le temps ne mord pas puisque l'effet est égal à la cause. Et ça m'a appris mon métier de philosophe, en fait. Parce que Prigogine, lui, pour faire reconnaître ça à ses collègues, c'est-à-dire à ceux qui tiennent l'image de ce qu'est la réalité physique, les lois de la réalité physique, ben lui, il était un thermodynamicien, il voulait jouer dans la cour des grands. Ils l'ont accueilli comme un ambitieux idiot. Mais moi, je voyais le travail de titan herculéen qu'il faisait pour essayer de trouver les arguments qui obligent... il se sentait... Comment réussir à faire passer que nous sommes obligés par cette flèche du temps, que nous devons la prendre en compte. Et pour lui, c'était une question vraiment fondamentale. Alors que pour moi, nier la flèche du temps, c'était peut-être un abus de pouvoir, mais en tout cas, c'était une absurdité. Parce que le moindre appareil dans un labo de physique fonctionne de manière irréversible. Une chambre à bulles, n'importe quel détecteur, ça fonctionne de manière irréversible. Donc ça voulait dire que la physique niait ce qui la rend possible. C'est embêtant. Mais pour que le rapport entre nous soit possible, je devais respecter ce qu'il faisait, pas lui dire « bon, enfin, si c'est pas votre faute si vos collègues sont idiots, mais il suffit de dire que c'est absurde ». Non, ça ne suffisait pas. Il était obligé de défaire ce qui avait permis de nier la flèche du temps. Et c'est là que c'était ce qui le rendait intelligent et passionné. Moi, avec mon argument, j'étais une philosophe ironique, etc. J'étais pas mise au travail. Ça le mettait au travail, c'était pas ça qui, en tant que philosophe, me mettait au travail. Ce qui m'a mis au travail, c'est d'essayer de comprendre cette passion, de comprendre ce qui fait penser un physicien, ce qui le fait rêver, ce qui le fait douter, etc. Et je crois que c'est avec ce bagage-là que je suis partie. Et avec cette interrogation, mais qu'est-ce qui est arrivé à la physique pour qu'elle nie la flèche du temps, pour qu'elle tombe dans ce qui pour moi est une absurdité, mais pas pour lui, parce que qu'est-ce que c'est que cet édifice? Comment s'est construit cet édifice? Et c'est une des choses qui est travaillée dans Cosmopolitique, c'est cette aventure de, comment dirais-je, comment à partir de, on pourrait dire des plans inclinés de Galilée, et puis de l'astronomie de Newton, s'est construit une science. Par quelles histoires, au grand pluriel, s'est construite une science qui, pour le moment, repose sur l'évidence. Nous savons que la flèche du temps est une illusion bien construite, mais construite sur nos propres approximations. Comme Prigogine disait, et là, il est dans l'absurde, nous sommes, il disait souvent, nous sommes les enfants du temps, pas les pères du temps. C'est pas nos approximations qui sont responsables du temps. Mais alors, justement, c'est intéressant parce que sur cette question, effectivement, de l'irréversibilité, que vous travaillez justement avec Prigogine dès la Nouvelle Alliance, vous le disiez, publié en 79, vous le reprenez, c'est l'un des points de départ d'ailleurs dans ces de ces sept points que vous développez dans Cosmopolitique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Cette question de l'irréversibilité, elle s'incarne dans un certain nombre de manipulations que vous êtes allé reproduire avec notre camarade du Palais de la Découverte. Oui, alors juste une précision, une réaction oscillante, c'est une réaction où la concentration des réactifs ou des produits augmente puis diminue au cours du temps. La réaction balance périodiquement et pendant un certain temps. Pour comprendre ce processus théorisé par Prigogine, j'ai été retrouvé donc Camille Fadel, médiateur en physique à Universcience, avec une bouteille de l'eau, du sel et de l'encre, il a reproduit ce phénomène curieux, mais omniprésent dans la nature et en particulier au cœur de certains processus biologiques. Alors Prigogine, c'est un de ceux qui a fondé ce qu'on pourrait appeler la thermodynamique moderne, parce que la thermodynamique jusque relativement tard, au XXe siècle, c'était la thermodynamique du XIXe siècle qui s'intéressait au système à l'équilibre ou très proche de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on entend par équilibre? Par exemple, je mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. À l'instant où je les mélange, y a, dans le bol, il y a des parties chaudes, des parties froides. Et puis à un moment, on atteint l'équilibre. Tout ça, ça s'est mélangé, température uniforme. Donc une fois qu'on est à l'équilibre, il ne se passe plus rien en fait. Mais on connaissait depuis déjà quelque temps, surtout à partir des années 1920, des systèmes qui, semble-t-il, avaient du mal à atteindre l'équilibre puisqu'ils étaient cycliques, des réactions chimiques pulsées. Hein. Mais le problème avec les réactions oscillantes, c'était que ça semblait aller à l'encontre de ce qu'on pensait, puisqu'il semblait qu'on n'atteint jamais l'équilibre, puisque la réaction oscille en permanence, au lieu d'aboutir à quelque chose de final, ça n'arrête pas d'osciller. Donc on a l'impression que ça remonte en arrière pour revenir en avant, etc. Et la compréhension de ce qui se passe exige qu'on ne se place pas dans le cas de la thermodynamique ancienne, c'est-à-dire à l'équilibre ou proche de l'équilibre, il faut se mettre loin de l'équilibre. Et si on est loin de l'équilibre, c'est Prigogine qui montre que loin de l'équilibre, il peut y avoir des fluctuations qui fassent osciller le système mettant entre deux états, mais ça peut être plus que deux en réalité. Souvent, c'est les cas les plus stables, c'est bistable, c'est-à-dire que le système a le choix d'emprunter deux voies. Alors, il peut emprunter une voie, puis réemprunter l'autre voie pour diverses raisons. L'exemple qu'on va voir dans l'expérience, c'est quelque chose qui est temporel. Il n'y a aucune réaction chimique qui est en jeu dedans, mais on va voir qu'il y a quelque chose qui est pulsé, cyclique. Alors, approchons-nous du récipient. Alors là, on a une section de bouteille remplie d'eau. Oui, j'ai découpé une bouteille en plastique. La bouteille est transparente. Il y a de l'eau dedans, c'est de l'eau pure. Et je vais mettre dans un petit gobelet en aluminium dont j'ai troué le fond. Je vais verser de l'eau salée, qui est donc plus dense que l'eau ordinaire. Et puis j'ai mélangé à l'eau salée un peu d'encre pour colorer ça. Et je vais, ce gobelet, une fois qu'il y aura l'eau salée dedans, je vais l'enfoncer dans la bouteille jusqu'à ce que le bas du gobelet, là où il y a le trou, touche l'eau qui est dans la bouteille. Alors du coup, l'eau salée a été L'eau salée est donc plus dense, je l'ai colorée avec de l'encre. Je vais verser cette eau salée dans le gobelet et après je vais mettre le gobelet dans le en haut. Alors quelles sont les hypothèses à ce stade Alors on pourrait s'attendre. Voilà. Alors la chose. L'eau colorée est plus lourde donc elle va couler uniformément. Exactement. On pourrait s'attendre à ce que l'eau salée colorée du gobelet, puisque le gobelet est troué, cette eau salée étant plus dense que l'eau, ça va se mettre à couler. On verra un filet d'eau salée colorée couler dans l'eau. Donc là, on remplit le gobelet avec l'eau. Je mets voilà un petit peu d'eau salée. Donc là, on va bien voir le phénomène parce que l'eau, elle est noire. Là. Alors là, par exemple, est-ce que... Non, là, il n'y en a pas assez. Non. Là, il faut que je mette un petit peu plus d'eau ici. Donc là, par exemple, on voit un peu... oui, en tâtonnant, quoi. Ah, alors là, déjà, ce n'est pas en train de... On ne voit plus que l'encre coule de manière continue, mais il faut qu'on espère qu'une goutte finisse par quitter le gobelet et tomber. Pour le moment, là, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui coule, mais ça va peut-être venir. Si on voit que ça ne... Ah, si ! Ça tombe. Et là, ça, maintenant, on voit des pulsations. Des pulsations. Eh bien, je vais du coup retirer un tout petit peu d'encre encore dans le gobelet. Tout petit peu. Donc là... On voit une goutte qui alors tombe. Là, oui, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une goutte qui tombe, et quelques secondes plus tard, 7, 10 secondes plus tard, il y a une nouvelle goutte qui vient. Donc, ça va être de manière pulsée. Alors c'est qu'à priori, une réaction en silence. Alors, d'une certaine manière, oui, c'est-à-dire que quelque part, ça, c'est le fait que ça soit pulsé, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ça soit continu, ça ressemble à une réaction oscillante, oui. Jusqu'à la fluctuation suivante, et c'est ça qui... Et ça peut durer des heures, finalement. Et ça peut durer des heures, oui. Moi, je l'ai fait, ça a duré 36 heures. Exactement. Mais finalement, on va finir par atteindre l'équilibre, puisque le système, il est fermé. Hein, je ne suis pas en train progressivement d'ajouter de l'eau salée là-haut et de bien retirer... Bien sûr, c'est pas infini. Il y a Prigogine, il a du coup... apporter une très grande contribution à la compréhension de ces systèmes loin de l'équilibre, comment on peut avoir des oscillations qui puissent apparaître. Et tout ça ne vient pas contredire cette idée de flèche du temps et de devenir... Non, parce que la notion d'entropie, elle se rattache à des systèmes à l'équilibre. Oui, mais la thermodynamique hors équilibre est progressive. Eh bien voilà, mais c'est ça, c'est qu'en fait, la thermodynamique hors équilibre des systèmes ouverts et des systèmes, des phénomènes irréversibles, c'est un prolongement de la thermodynamique, on va dire, standard, classique. Voilà, deux verres de l'eau, un peu de sel et du colorant, et on refait ces expériences autour de l'oscillation, une réaction Isabelle Stenger, c'est ce que vous venez d'entendre. Il a dit le mot qui m'a intéressé à la fin, qui est prolonger la thermodynamique d'équilibre. Je rappelle, ça c'était ce qu'il faisait avant, ce que Prigogine tentait de résoudre. Avant de vraiment se lancer dans le problème de la flèche du temps, c'est-à-dire d'avoir affaire notamment à la mécanique quantique et au chaos déterministe et à toutes ces choses-là. Mais il a dit prolonger. Or, l'intérêt, c'est comment prolonger. Et pendant des années, il a lutté avec la tentative de généraliser la notion d'état d'équilibre aux états loin de l'équilibre, c'est-à-dire nourri perpétuellement par un flux entrant qui l'empêche de rejoindre l'équilibre, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il devait changer de question. C'est-à-dire il ne devait plus chercher un état qui serait garanti par une fonction, l'entropie en général, ou des dérivés de l'entropie, qui garantirait l'équilibre par un maximum ou un minimum. L'état d'équilibre correspond toujours à un minimum ou un maximum d'une fonction d'état de ce genre, mais qu'il n'y avait plus de fonction d'état. Est-ce que c'était encore un état? On ne sait pas. Moi, j'appelle ça un régime de fonctionnement. Et que c'est ce régime qui devait être testé. Est-ce qu'il est stable ou pas? La stabilité n'était plus garantie. Elle devenait problématique. Et ça, c'est ce que j'aime dans les sciences. Vous voyez, cette manière de, tout à coup, pour être à la hauteur de la situation qu'on étudie, on doit changer de question. On abandonne la physique des états pour qui sont garantis par quelque chose de plus général qu'eux, pour s'intéresser à ce système caractérisé par ces réactions, en l'occurrence des réactions couplées, et on se demande, est-ce que il est stable en toutes circonstances. Donc la fluctuation, c'est l'idée, la stabilité est devenue un problème. Elle est plus garantie par la définition de l'État. Et ça, c'est un très bel exemple de... Mais ça prend des années à oser quitter la notion d'État et être forcé à s'aventurer dans la question de la stabilité. On va continuer et poursuivre notre conversation avec Isabelle Stengers. On va passer bien au début des années 90, au moment où elle commence à rédiger les textes qui vont composer ce cosmopolitique. Ce sera dans quelques secondes musicales. Even if it seems a big point of no return, I don't believe in hell. I do believe a morality has come. Let's pretend it's identities and lights that they sell with your capitalism wrapped up in a decorated shell. Let's pretend. Bring the party to Mars, driving a zero waste cars, drinking moonshine in imaginary bars. A rider on a planet is respectfully memoirs. Let's pretend. Irréversible de Tuva Band à 16h35 sur France Culture, puisqu'il a largement été question d'irréversibilité dans la première partie de cette émission. Nous discutons tout au long de cette heure avec Isabelle Stengers, professeure émérite de philosophie des sciences à l'Université libre de Bruxelles, qui publie Cosmopolitique aux éditions de La Découverte dans la collection Empêcheurs de penser en rond. L'actuel ouvrage Cosmopolitique est donc la somme de 7 plus petits fascicules publiés à partir du début des années 90. Expliquez-nous, Isabelle Stengers, un peu quel est le projet qui est à l'origine, quelle est votre intention finalement avec ces 7 fascicules qui constituent Cosmopolitique. Mais les 7 fascicules sont articulés, en fait. Ils ont été publiés assez bien coup sur coup. Simplement, je me disais que ceux qui s'intéressaient à la physique n'allaient peut-être pas... Voilà, maintenant le pari est risqué, que c'est en un volume, mais n'allaient peut-être pas avoir envie de s'intéresser aux sciences humaines. Et surtout, ceux qui s'intéressent aux sciences humaines n'auraient pas envie de passer par toutes les aventures de la physique. Aventures improbables, bizarres, franchement situées dans leur époque, qui arrivent à cette, comment dirais-je, vision de la réalité physique qui a dominé au XXe siècle. Donc, c'était plutôt le caractère hétérogène des lecteurs que je craignais un peu, en leur donnant le choix. Et puis finalement, je suis très contente que ça ait été réédité en un seul volume, parce que j'aime bien ce volume. En fait, il manifeste des articulations qui existaient entre les différents petits volumes, 7 volumes, qui s'appelaient tous Cosmopolitique déjà, comme plus un sous-titre sur l'objet. Et le premier sous-titre, c'est la guerre des sciences, parce que l'un des points de départ, après mon travail avec Prigogine, ça a été cette guerre des sciences qui a explosé dans les années 90. Et où j'ai mesuré, mais justement le besoin de culture scientifique, parce que de culture scientifique, comment dirais-je, qui n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais qui sache qui sache à qui on s'adresse quand on s'adresse à un scientifique, c'est ça la culture. Et c'était pour moi un échange de donc entre ceux critiques qui disaient que la science n'est qu'une fiction construite par des humains et ceux qui disaient ça traduit la réalité d'abord physique, parce que c'était les physiciens qui étaient surtout furieux. Et ben c'est là que je me suis mis à dire non, les sciences sont en guerre parce qu'elles ne savent pas se présenter, parce qu'elles sont prises dans la science. Alors c'est passionnant, on va revenir sur la guerre des sciences dans un instant, Isabelle Stengers, parce qu'on entend bien, et puis vous venez de le répéter, que dans cette guerre des sciences, les principaux visés, ce sont les physiciens. On comprend bien que vous exprimez, d'ailleurs vous dites, vous écrivez, la physique classique dresse l'illusion d'une science, d'un univers globalement intrinsèquement déterministe, ce qui entre en contradiction avec l'expérience courante de l'existence humaine. Mais moi, il y a une question que je me suis posée en parcourant ces 7 fascicules, c'est qu'il y a une science que je trouve notoirement absente, c'est la mathématique. Qu'est-ce que vous faites des mathématiques? Je la respecte. Je la respecte, mais je ne considère pas qu'elle est une science moderne. Elle est une science bien plus ancienne et elle a une culture. Les mathématiciens sont les seuls que je connaisse, enfin des mathématiciens, à faire l'histoire des mathématiques, y compris des mathématiques dans d'autres cultures, avec respect. Ils reconnaissent un être mathématique quand ils la reconnaissent. Tandis que les sciences modernes fonctionnent sur la rupture entre le passé, où on croyait que le soleil tournait autour de la Terre, et où nous savons maintenant. Donc il y a une différence esthétique, il y a un humour du mathématicien. C'est-à-dire que ce qui vous embarrasse finalement, c'est le principe de réfutabilité, c'est Popper, c'est de dire qu'il faut arrêter de construire sur l'opposition, il faut arrêter d'essayer de détricoter la science du passé pour absolument imposer la science du présent. Popper, c'était pas vraiment un détricotage, il a raison, mais ça s'arrête vite. Souvent, les épreuves auxquelles les scientifiques soumettent leurs propositions, ben, ils risquent la réfutation. Donc risquer la réfutation, c'est très important, surtout dans les sciences expérimentales. Par contre, justement, il en fait la définition de la science, alors que très vite, la question de la réfutation se complique. Au fond, la réfutation, ça a besoin que quelque chose soit soumis aux règles du laboratoire. On le soumet à des épreuves multiples. Qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à un humain ou à un rat pour qui la preuve est une épreuve? Ben, peut-être que la réfutation sera pas aussi simple que ça, vous voyez. Peut-être, et c'est quelque chose que je me suis mis à étudier après, c'est en fréquentant notamment l'hypnose. Quand on essaye de réfuter une hypothèse à propos de l'hypnose, on se heurte au fait que la personne n'est pas en état d'hypnose, elle accepte une aventure hypnotique. Alors, le fait de soumettre à une épreuve ne convient pas. Il n'y a pas de position de neutralité, ou bien on détruit cette aventure, en tout cas on interfère dans cette aventure. Et donc, c'est pas un bon objet de science. Conclusion, quand on demande que ce soit réfuté ou défini objectivement, on dit « l'hypnose n'existe pas ». Ça n'empêche pas d'exister aujourd'hui. Oui. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. On a un certain nombre d'expériences, d'IRM, on se rend compte que. Mais c'est pas tellement ça, c'est que ça marche en hôpital. Oui, tout à fait, ça marche en hôpital. Sinon, dans certaines circonstances, ça permet de diminuer un peu l'apport d'anesthésie. Mais l'IRM ne fait que repérer une situation, mais est-ce qu'il serait capable de différencier quelqu'un qui simule l'hypnose ou pas? Oui, d'ailleurs, je crois même pas que ce soit de l'IRM, parce que faire une hypnose dans un IRM, je suis pas sûr que expérimentalement soit tout à fait recommandé. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces histoires de réfutation, etc., ont besoin de l'indifférence de ce à quoi on s'adresse, pour qu'il puisse dire non, il faut qu'il ne s'adresse à personne. Sinon on dit non à quelqu'un, et le non qu'on dit à quelqu'un n'est pas fiable. Pourquoi? Parce qu'on a un compte éventuellement à régler, ou bien on lui dit oui parce qu'on s'y fie. Dès qu'on entre dans le domaine des sciences qui s'adressent à des êtres non indifférents aux enjeux de ce qu'on les fait subir, ça va plus. Popper est trop simple. Par contre, l'idée que la science est une aventure du risque et pas une aventure de la certitude, établie par la raison, là je suis popérienne. Simplement, l'aventure doit se compliquer à mesure que qu'elle quitte les domaines classiques de la science. Isabelle Sengers, il y a quelque chose qui se passe qui est à mon avis assez central, ou en tout cas qui va cristalliser une partie de votre pensée dans cette fameuse guerre des sciences, c'est l'affaire Sokal. Voilà, on vous entend soupirer. Le canular d'Alan Sokal, je vous le rappelle, dans la revue Social Text en 1996, qui publie un article intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique » pour prouver finalement que l'on peut voilà, publier à peu près n'importe quoi tant que ça a la forme et les formes d'un article scientifique. Pourquoi est-ce que cette affaire vous heurte et vous agace autant, en tout cas, ou en tout cas vous permet de cristalliser une partie de cette notion de guerre des sciences? Ça m'agace parce que l'attaque... Bon, d'abord, il disait des conneries dans cet article. Et oui, il disait, aussi, il y avait qu'un physicien qui pouvait dire que... comment dirais-je, mettre en question la réalité physique, c'était mettre en question la réalité. Non, c'était mettre en question la manière dont les physiciens nous proposent de définir la réalité. Bon. Donc, il disait que c'était absurde. Et on l'a pris au sérieux dans cette malheureuse revue parce que c'était un physicien, parce qu'il bénéficiait du prestige. Si nous avons réussi à convertir un physicien, vous savez, c'est comme les grands convertisseurs qui essayaient de convertir des grands penseurs à la religion catholique. Donc, il faut préciser que Social Text n'était pas une revue de physique, c'était une revue de SHS. Ah ben oui, exactement, c'était une revue de critique, notamment des sciences, oui. Mais ce qui était aberrant, c'était... Le niveau des arguments des deux côtés, ce qui montrait l'absence de culture scientifique des deux côtés. Par exemple, un physicien dit et a répété, enfin, les physiciens qui se repassent les trucs répétaient sans cesse, si vous doutez de la loi de la réalité physique au sens des lois de la physique, jetez-vous depuis le 15e étage d'un building, vous verrez. Bon, un jour j'ai répondu publiquement à l'autre, alors vous croyez vraiment qu'on a attendu Galilée et Newton pour ne pas confondre les portes et les fenêtres? Évidemment, il était un peu embêté. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il faisait insulte à sa propre science. Parce que Galilée et Newton ont décrit la manière dont un corps qui tombe change de vitesse dans un milieu sans frottement. Et voilà qu'il faisait comme si Galilée et Newton avaient prouvé que les corps lourds tombent. Donc, vous voyez, pour convaincre des cons, parce que pour les physiciens, l'opinion est bête, ils deviennent bêtes eux-mêmes. C'est ça la nécessité d'une culture scientifique. C'est aussi faire honneur à l'intelligence des gens et à leur goût de l'intrigue. Ils doivent pouvoir être intrigués pour pouvoir s'intéresser. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? Donc, c'est la guerre des sciences est l'une des choses qui m'a fait dire... les sciences sont sorties avec une... Enfin, la science, derrière laquelle se cachent des sciences qui divergent, sont sorties avec une autorité qui intéresse tout le monde, l'État et les industries, intéressent tous ceux qui ont besoin que les gens se taisent. Mais elle rend les scientifiques bêtes aussi, parce qu'ils se contentent, ils se présentent avec des arguments qui ne leur demandent pas de penser, qui ne leur ne les met à aucune épreuve. Comment intéresser intelligemment à ce que je fais? Ça, c'est une des choses pour lesquelles je lutte avec Cosmopolitique, c'est pour qu'ils s'intéressent, ils se présentent avec leurs obligations, sachant que ces obligations divergent autant que divergent un humain, un rat, un OGM de laboratoire. Chaque fois, il faut agencer les questions pour que les réponses soient pertinentes, pour qu'on apprenne à partir de ces questions. Une question de Céline Lozen. Oui, alors je m'interroge parce que vous dites, en parlant des scientifiques d'aujourd'hui, qu'ils sont stupides. Non. Parce qu'ils agissent comme des techniciens en faveur d'une certaine innovation et moins comme des savants, comme on pouvait en rencontrer au siècle dernier, qui avaient le loisir de poser des questions, avoir le temps de poser un problème et de faire de la recherche. Alors qu'aujourd'hui, on répond à une commande étatique au sein d'un système universitaire. Oui. Donc c'est moins l'intelligence et le savoir-faire des scientifiques que les conditions de possibilité. Je dirais que c'est les deux, mon général. C'est-à-dire que si les scientifiques se sont laissés faire, laissés embrigader dans cette mobilisation pour l'innovation, qui fait pas d'eux des techniciens, qui fait, parce que la technique, j'honore aussi la technique. La technique est une pratique importante. C'est des semi-techniques. Donc, s'ils se sont laissés faire, c'est parce qu'ils ne savaient pas se défendre, parce qu'ils s'étaient présentés comme bons à tout faire, comme bons à donner des solutions rationnelles à tout et n'importe quoi. Donc, ils ne se sont pas présentés avec ce qui les oblige et ce sans quoi ils ne sont que des généralistes. Mais vous voyez bien, Isabelle Zenger, qu'il y a tout de même aussi aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui s'opposent justement à cette redéfinition de la conception de la recherche comme étant que de l'innovation, donc que de la recherche appliquée au service de l'État ou de l'industrie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Manifeste pour un ralentissement des sciences ». Il y a beaucoup de scientifiques qui partagent ce point de vue-là, et y compris des physiciens. Sauf que moi, je pense que elle ne peut ralentir. Les sciences ne peuvent ralentir que si elles se frottent au monde et aux gens qui peuplent ce monde et qui savent des choses aussi. Il ne s'agissait pas de revenir au temps où on les respectait, où on les laissait travailler, mais où ce qu'ils appellent l'opinion était mis à distance. Non, il s'agit, comme Bruno Latour le dirait, d'atterrir dans un monde peuplé où il y a d'autres praticiens qui sont obligés autrement par ce monde et d'apprendre à construire dans le frottement entre obligations ce qu'on ne savait pas faire au XXe siècle. Céline. Ça rejoint un peu aussi la pensée de Bernard Stiegler qui lui promouvait cette recherche contributive en mêlant les universitaires, les chercheurs, les industriels et les politiques et les citoyens. Oui. Je suis pas sûre que les industriels pour le moment soient prêts à s'y mélanger. Je suis plutôt qu'on mélange les paysans et les agronomes. mais vous voyez bien, pour rebondir sur ce que dit Céline, c'était ma question suivante. Vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a également tout un pan de la science et de la recherche qui s'est réouverte aux citoyennes et aux citoyens qui demandent de la contribution, on appelle ça les sciences participatives, et où chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, petite pierre qui parfois peut être une pierre d'importance, notamment je pense en cosmologie, parfois ou en astronomie, des amateurs qui mettent le doigt sur quelque chose qu'avaient raté les plus grands télescopes du monde. Mais ça c'est plutôt, c'est très bien ces sciences, mais les sciences participatives où les scientifiques travaillent avec des gens sur un problème d'intérêt commun, c'est-à-dire rencontre des intérêts qui ne sont pas les leurs, m'intéresse beaucoup plus parce que justement là c'est pas une pierre, parce que les pierres ça se met l'un sur l'autre mais ça n'interagit pas. Ici il s'agit d'apprendre à situer son propre, ce qui compte pour vous dans une situation où d'autres choses comptent pour d'autres, et donc apprendre à penser avec, et je crois que ça, il y a des sciences participatives au sens où elles ne sont pas simplement contributives, qui tentent de le faire. Il y a des agronomes qui essayent de créer des savoirs agronomiques pertinents pour les paysans qui veulent échapper à l'agriculture intensive. Donc ça, c'est très important. Et je crois que les agronomes qui ont quitté, qui ont décidé d'agroparité avec les jeunes étudiants, qui ont pris le micro, on se rend compte que cette science innovante et avec des interlocuteurs qui sont des pouvoirs politiques, enfin politiques plutôt étatiques et industriels, elle nous prépare très mal à ce qui vient. C'est une des choses qui, moi, à partir du début de ce siècle, m'a frappée. Quand j'ai commencé à m'intéresser au désordre climatique, on a plein de techniques, mais on est plus mal équipé imaginativement et du point de vue de l'habilitation à penser que jamais. Vous appelez, Isabelle Stengers, justement, vous aboutissez à ce que vous appelez, ce que vous nommez une écologie des pratiques. Qu'est-ce que vous entendez par l'écologie des pratiques? L'écologie des pratiques, c'est justement, qu'est-ce qui m'a intéressé dans le mot écologie, qui intéresse beaucoup de gens, c'est que l'écologie, c'est une science des situations peuplées d'êtres hétérogènes, qui ont des besoins et des intérêts différents, et pourtant qui ont besoin les uns des autres, qui font situation ensemble. Eh bien, j'aime bien ça parce que justement, les sciences ont des obligations divergentes. Et qu'elles puissent travailler ensemble veut dire que chacune puisse se présenter dans sa divergence, de telle sorte que des liens vrais et pas des liens de domination oui, science molle, science dure, etc., soit possible. Et qu'elle puisse, du coup, aussi faire écologie, faire situation écologique, faire relation, être obligée à penser par d'autres manières qui ne disqualifient pas l'autre, mais qui compliquent leur pensée, qui leur ouvrent l'imagination et qui les défend. Qui leur permettent de continuer à trouver important ce qu'ils font, à le vivre comme important, mais sans que ce soit dominant. Quand ça devient à ce moment-là un ingrédient de la situation. Mais puisque vous parlez justement du changement climatique, vous ne pensez pas que c'est précisément, Isabelle Stenger, c'est un exemple où la verticalité des savoirs a mis du temps à infuser, où il y a des gens qui disaient, des scientifiques qui alertaient et que eh bien, cette connaissance, cette acceptation du fait que l'être humain est en train de modifier le climat et de façon délétère, eh bien, précisément a mis du temps à percoler, à s'infiltrer dans la conception populaire. Mais c'est pas seulement la conception populaire, il s'adressait d'abord aux politiques, et les malheureux avaient confiance que les politiques correctement, c'était le projet du GIEC, parler au gouvernement, et que correctement informés, les gouvernements prendraient les mesures qui conviennent. Ils avaient l'habitude que les gouvernements et même les industries suivent écoutent les scientifiques. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'ils ne les écoutent d'autant plus que ça les arrange. C'est-à-dire que ça augmente la productivité, que ça permet des choses. Quand ils s'amènent avec une mauvaise nouvelle, tout à coup, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de répondant, il n'y a personne. Enfin, on leur dit oui, c'est très grave, nous allons agir et on n'agit pas. Donc, les sciences, quand avec ces partenaires-là, État et industrie, sont importantes quand elles permettent de faire plus, de progresser, comme on dit, mais quand elles arrivent avec des nouvelles ennuyeuses, où on dit, vous savez, ce progrès, voilà, ces petites conséquences, c'est que ça va pas du tout, eh bien, on sait pas quoi faire avec elles. On sait pas comment changer, parce que notre type d'écologie désertifié est fait pour avancer, pour le progrès. Faire autrement, penser ensemble, c'est quelque chose qui a été dévasté. On vit dans un monde écologiquement dévasté au sens de l'écologie de la pensée, de l'écologie de l'imagination et de l'écologie des liens. Un mot de conclusion, Isabelle Stenger. Alors, je fais un pas de côté complètement, mais il paraît que vous lisez de la science-fiction. Ah oui. Vous lisez quoi, par exemple? Dites-nous un des grands titres de science-fiction qui vous a marqué. Un des grands titres qui m'a marqué, ça a pu être Existence de David Brin. Ah, de David, oui, d'accord. De David Brin, oui, parce que justement, il est un optimiste, un vrai Américain, donc comme européenne, ça m'intéresse. Mais et si nous n'étions pas seuls dans l'univers, et comment est-ce qu'il nous contacterait et quel serait, avec quoi, comment? Et peut-être qu'ils en crèvent de la manière dont ils tentent de nous contacter. Existence de David Brin, ce sera d'ores et déjà le conseil de lecture science-fiction d'Isabelle Stenger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on vous conseille de lire Cosmopolitique, bien la réunion de ces 7 essais réunis dans un seul volume aux éditions de La Découverte dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et Brin, c'est aussi gros. Hein. C'est vrai. La méthode scientifique, c'est Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Lémy Naguette-Saint, Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Hélène Trigueros à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique et en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.